Au centre d'universalité pour cette conférence en compagnie de Raphaël Payeur. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Raphaël, avant même d'entrer dans le corps de la conférence, j'ai donc entendu bien du monde à la pause déjà qui était intéressé à entendre le récit un peu de votre dernier voyage en Californie. Alors, faites-nous part un peu de vos impressions de ce que vous avez vu, entendu en Californie. Bon, ça a été un voyage intéressant. Je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure au cours de la conférence de certains aspects des recherches que j'ai menées là-bas autour de la libération de l'attraction, mais de l'attraction avec un grand A. Alors, on verra un peu le sens d'un aspect ésotérique de ce voyage-là. Autrement, ça a été 2 semaines de vacances, hein, puisque là-bas, on est allé à un endroit où l'activité quand même pour des personnes qui y vont est relativement limitée. Donc, un endroit où on peut se reposer facilement. On en avait besoin de toute façon. Alors, je suis allé là en grande partie pour certaines recherches que j'avais amenées, pour des vérifications que j'avais à faire, puisque je suis allé au siège international de l'Association rosicrucienne. Et puis, essentiellement, donc, je me suis rendu compte d'une chose importante, je crois, c'est que la Californie n'est pas sur le plan vibratoire énergétique ce qu'on pense lorsqu'on est loin. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser que la Californie, c'est un endroit à un tellurisme très élevé, avec des énergies très, très fortes sur les plans spirituels comme sur les plans matériels. Et lorsqu'on y va, on se rend compte d'une chose qu'on oublie de l'extérieur, c'est que, avec le foisonnement des mouvements religieux, des mouvements ésotériques, des écoles, des sectes de toute espèce, eh bien, tranquillement, cette énergie qui était donnée peut-être du ciel ou enfin qui était là pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, cette énergie-là a été comme aspirée, a été comme consommée. De telle sorte que lorsqu'on arrive en Californie, on sent très fortement que tout est consommé. Hein? C'est-à-dire que toute cette énergie qui était disponible, par exemple au début du siècle, alors que là, se sont installés des grands centres énergétiques pour le monde. On pense, par exemple, au niveau de la tradition ésotérique Rose-Croix à San José pour l'ordre rosicrucien Mark, à Oceanside pour l'association rosicrucienne Max Handel. On sait que la plupart des sièges directeurs de ces grands mouvements spiritualistes internationaux sont là. Et au début du siècle, il y avait une énergie là extraordinaire qui pouvait être puisée, utilisée et irradiée sur toute la planète. Alors que maintenant, c'est un peu vieux. Et je suis allé dans 2 écoles ésotériques, dans 2 groupements de diffusion ésotérique, où on se rend compte que non seulement l'énergie de l'impulsion première n'y est plus, ou y est beaucoup plus faiblement, mais de façon encore plus importante, ce sont la plupart du temps des gens âgés qui sont sur place. Alors, il y a un climat là de vieillissement général au niveau de la spiritualité, en ce que j'ai pu y voir, alors que au niveau tellurique, au niveau de l'énergie qu'on peut capter, c'est aussi très différent. Évidemment, j'ai été là juste 2 semaines, on n'a pas tellement le temps de s'habituer aux énergies, à bien se mettre dans la vibration de l'endroit. D'ailleurs, moi, je suis assez sensible à ces énergies-là, de telle sorte que j'ai été un petit peu dans un cocon là pendant 2 semaines. C'est comme ça que ça se passe. C'est au moins après 2 semaines que ça commence à ouvrir un peu. Alors, j'ai pas vraiment communié avec l'énergie de la place, sauf à quelques endroits, à quelques moments très privilégiés. Mais essentiellement, c'est ce que j'ai découvert, de telle sorte que hier soir, quand on est revenu en avion. Évidemment, hier soir, lorsqu'on a traversé la frontière du Québec, j'ai fait part d'une réflexion aux gens qui étaient là. J'ai ressenti vraiment qu'il y avait une énergie nouvelle. Bon, on avait 4 heures à peu près 4 heures d'autobus de fait, 6 heures d'avion, donc c'est quand même une bonne journée. Et puis, lorsqu'on était au-dessus du Québec, j'ai tout de suite ressenti une énergie très forte. D'ailleurs, j'ai marché en large dans l'allée de l'avion. Il y avait une énergie, un dynamisme, et qu'on ressent pas lorsqu'on atterrit à Los Angeles. Bon, alors, en ce sens-là, je serais porté à croire que il y a comme une espèce de déplacement. J'ai déjà donné des conférences, d'ailleurs, sur le Québec refuge des initiés, et ainsi de suite. Je suis porté à croire qu'il y a un déplacement vers le nord qui se fait et que le Québec est encore cette terre privilégiée pour un travail de conscientisation. Bien que la Californie soit encore quand même un lieu d'effervescence au niveau théologique, au niveau spiritualiste, mais c'est plus ce que c'était, je crois, au début du siècle. Il y a des belles limousines, ça c'est sûr, mais ah oui, ça c'est spécial quand même, le nombre de limousines qu'on peut voir là. Mais au niveau interne, au niveau énergétique, ça manque de vitalité. C'est très différent du Québec. Quand on est habitué à la vibration du Québec, on se sent comme ralenti à cet endroit-là. Alors, ça veut dire donc que là-bas, l'éther est en quelque sorte comme saturé, il a été totalement puisé, épuisé. C'est au niveau éthérique parce que, bon, au début du siècle, par exemple, lorsque les mouvements ésotériques sont installés là, les promoteurs de ces mouvements-là parlaient beaucoup de cette force, justement, des éthers, de cette énergie extraordinaire qui se trouvait sur place. et qui, évidemment, n'est pas éternelle, n'est pas inépuisable. Donc, cette énergie simplement a été absorbée. Vous avez qu'à prendre le bottin téléphonique là-bas, voir le nombre de church, voir le nombre de mouvements ésotériques, parce que ça prend de l'énergie, ça. Évidemment, ces écoles, ces groupements, ces mouvements religieux ou philosophiques donnent de l'énergie, mais ils en absorbent aussi une grande quantité. Ils sont là, en quelque sorte, pour puiser cette force. C'est pour ça qu'ils sont là, d'ailleurs. Donc, avec le nombre incalculable, bon, on a visité un peu Oceanside, il y a plusieurs églises, il y a des églises presque à tous les coins de rue qui sont différentes, qui viennent de différentes origines qui expriment une multitude de formes de pensée. Alors évidemment, ça fait que l'atmosphère aussi s'alourdit avec le temps, avec ce foisonnement de mouvements, ça s'alourdit. D'ailleurs, on en a des exemples. Par exemple, à Los Angeles, il y a la seule église de Satan, Satan Church, hein, qui est bien installée, qui est là pour ça. Pour le culte à Satan, pour le culte aux forces de l'enfer. Alors c'est déjà on voit qu'il y a une densification des énergies. Mais c'est drôlement intéressant parce que ça nous permet de sentir justement qu'est-ce que c'est que cette fameuse Californie dont tout le monde parle, à part Beverly Hills, à part Sunset Boulevard, qu'est-ce qu'il y a là comme énergie? Comment se fait-il que les gens se sont placés là en spiritualité? Comment se fait-il que vous ouvrez des petits dépliants ici au Québec de mouvements divers, puis vous avez toujours une adresse en Californie? C'est quand même intéressant. Je pense que c'est bien d'aller sentir, là, si on en a l'occasion, d'aller sentir ce qui se passe là, et puis d'en tirer certaines conclusions, d'essayer d'interpréter qu'est-ce qui se passe. Parce qu'évidemment, il se passe encore beaucoup de choses. Il y a quand même un foisonnement d'idées, il y a quand même des écoles qui sont bien installées là et qui ont un rayonnement international encore très fort. Mais ce que je dis, c'est que ce sont des réserves qui tranquillement vont s'épuiser. Et dans les prophéties, on sait que la Californie est vouée d'une certaine manière à une certaine forme de disparition. C'est pas un hasard. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'énergie, il se passe deux choses. Si on peut l'utiliser positivement ou négativement, d'ailleurs, c'est ce qui se produira au Québec, puisque les énergies s'éveillent, là, on le sent bien, on pourra les utiliser ou bien positivement ou bien négativement. Et on sait très bien qu'en Californie, il y a les deux. Alors, il y a des gens qui les utilisent positivement, et il y a aussi une masse de la population qui les utilise négativement, comme ça s'est fait à Sodome ou Gomorre. Bon, alors cette utilisation de l'énergie de façon négative la cristallise, de sorte que tous ces gens qui cristallisent de l'énergie, à un moment donné, l'éther, la condition vibratoire de la place devient plus dense, hein, s'alourdit, et puis là, c'est là que finalement la Terre s'alourdit, que les conditions géologiques se perturbent et que les forces de la nature font un nettoyage. Donc, oui, c'est possible qu'on s'attende, dans les années qui viennent, à un nettoyage de la Californie. Ça sera bien, c'est normal, c'est un cycle. Alors, une personne naît avec une vitalité extraordinaire. Lorsque vous regardez un enfant, si vous avez la vision de l'éther, vous regardez un enfant qui naît, il est entouré d'un halo lumineux, vert, très, très dense. Et plus ça va dans sa vie, dans la poursuite de son évolution, plus cette énergie-là est comme assimilée par l'individu. Alors, on a une réserve d'énergie, on a comme un don au départ. Et puis, cette réserve d'énergie-là est utilisée pendant un certain temps. Ensuite, il y a le phénomène du vieillissement, il y a la disparition d'un endroit, puis la renaissance ailleurs. Bon, alors c'était l'Europe autrefois, ça s'est transféré beaucoup justement dans la région de la Californie sur le plan de la spiritualisation de l'Amérique, et puis là ça changera d'endroit éventuellement. Et on le sent que on est à la veille de la mort. Lorsqu'on est en Californie, on évidemment je suis scorpion, j'ai une tendance à ça, mais on sent le spectre de la mort qui approche. Enfin, c'est l'impression la plus intense que j'ai eue là-bas. Et par rapport à l'Europe, quelle nuance pourriez faire avec la Californie et le Québec? Alors, c'est très différent par rapport à l'Europe parce que l'Europe est beaucoup plus intellectuelle. Hein? L'Europe est beaucoup plus traditionnelle aussi. Ce qui fait, par exemple, que ça ne gêne pas les gens. Moi, je demandais ça justement à quelqu'un que je rencontrais là-bas, qui était ministre, donc un religieux. Je me disais, mais ça ne gêne pas les gens d'aller, parce que j'ai assisté à un meeting qu'ils font le dimanche. Ça gêne pas les gens de savoir que, bon, vous faites des activités religieuses, tout ça. Pas du tout. Ici, c'est même valorisé. qu'on soit dans, dans... Et puis, c'est tellement écuménique que toutes les églises sont bonnes, et puis il y a une très bonne entente là-bas. Alors que si vous mettez ça en Europe, ça ferait scandale. Évidemment, toutes ces petites églises qui se partent comme ça, ici et là, pour avoir une exemption de taxes ou pour autre chose, ça ferait pas en Europe. En Europe, c'est très traditionnel, il faut la succession apostolique, il faut remonter dans des filiations, bon, en chevalerie, tout ça. C'est très rigoureux. En Californie, vous voyez rien de ça. La tradition, elle n'est plus présente. De sorte que même les écoles ésotériques ont de la difficulté à demeurer traditionnelles. Parce que le climat est contraire à la tradition. Le climat est contraire à cette structuration initiatique, hiérarchique, monarchique, etc. C'est un climat très, très démocratique, très, très écuménique. Un éther dilué. Bon, je sais pas si le terme est juste. Vous savez probablement mieux que moi si vous l'utilisez. J'ai jamais entendu ça pour parler de la Californie. Mais je dirais que c'est un endroit tout à fait hors tradition. Par rapport à l'Europe qui est le pilier de la tradition et par rapport au Québec qui, à mon avis, sera beaucoup plus traditionnel. Parce que le Québec, c'est, comme me faisait remarquer tout à l'heure Mario, c'est la Nouvelle-France. Hein? Alors, la Nouvelle-France, c'est justement une Nouvelle-France. Et puis la France, elle est fondée sur la tradition. Donc, nous aurons au Québec, n'en déplaise à certains, une nouvelle tradition. C'est-à-dire encore ce même schéma de la tradition, mais sur une spire supérieure de l'évolution. Alors, c'est ce que je pense être la mission du Québec, alors que la mission de la Californie a été une mission de destruction des formes, si on veut prendre des termes qu'on connaît ici. C'est-à-dire qu'on a relativisé toutes ces histoires de tradition, de ceci, de papier, tout ça. Parce que au Québec, on a quand même, de par nos origines françaises et la vibration de la France, on a quand même cette tendance vers un schéma plus traditionnaliste. Alors, il faut souhaiter qu'il va y avoir un transfert d'énergie en faveur de la rue King à Sherbrooke. La rue King ou la rue Waddington ou la rue Leroyer, hein? Mais non, je crois que c'est déjà fait. Hein. Pas sur la rue King, mais sur la rue Leroyer. Mais je crois déjà que le Québec a un rôle à jouer sur le plan ésotérique. Est-ce que vous avez déjà demandé comment était perçu le Québec au niveau ésotérique en Europe ou en Californie? Est-ce qu'ils en ont jamais entendu parler? En Californie, j'ai des problèmes de langue un peu, ce qui fait que j'ai réduit un peu mes discussions. Mais en France, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on considère le Québec comme un pays d'avant-garde. Quand on m'a présenté une conférence de l'Orsa à Paris, m'a présenté comme quelqu'un qui venait du Canada, le pays à l'avant-garde dans l'ésotérisme. On a beaucoup insisté sur le rôle ésotérique du Québec. Ouais. Puis j'étais à Paris. Moi, j'étais gêné d'arriver en France. Les Français ont la réputation d'avoir raison. Hein, vous connaissez ça? Ils ont raison, d'ailleurs. Alors, j'étais un peu timide d'arriver comme ça dans le climat. Et puis là, on me présente comme un envoyé de cette terre sacrée d'Amérique. Alors, c'est assez surprenant, mais ils ressentent, hein, ils ressentent très bien que l'Europe aussi est usée. Hein, que l'Europe et les pierres sont polies. Ça a dévitalisé aussi. Oui, hein, assez dévitalisé. Alors, les vieux sages qui sont en Europe, je pense qu'ils visent beaucoup sur l'Amérique. Ils visent d'ailleurs depuis un siècle sur l'Amérique. Hein, ils ont moi je parle de la tradition Rose-Croix, je la connais mieux. Les Rose-Croix de Toulouse ont mandaté Spencer Lewis pour venir en Amérique. Les Rose-Croix d'Allemagne, avec Rudolf Steiner, on mandaté Max Handel pour venir en Amérique. Bon, tous les mouvements qui sont nés comme ça en Amérique, ils avaient une autorisation, ils avaient un mandat spécifique d'Europe. Hein. Alors l'Europe a commencé à déverser au début du siècle sur l'Amérique, et puis je pense que ça va se continuer. Et c'est pourquoi je vais en Europe d'ailleurs, c'est pour assurer une espèce de pont de transmission entre le Nouveau Monde puis l'Ancien Monde. Parce que je crois beaucoup à l'Ancien Monde, je crois beaucoup à ce qui est encore là. Lorsque vous donnez des conférences en Europe, par exemple, est-ce que vous avez à modifier la teneur de votre discours? Est-ce que vous êtes obligé d'adapter, de changer, de transformer? Surtout le rythme verbal. Il faut ils sont moins rapides, les cerfs-volants, oui. Ouais, ça va l'eau, par exemple. Ça va très haut. Mais il faut parler un peu moins vite. Ils sont pas habitués à une rapidité d'élocution. Mais essentiellement, non, on change pas tellement. Un petit peu plus, des petits efforts pour rationaliser les choses, pour que ce soit un petit peu plus rationnel, parce qu'ils veulent bien qu'on parte de A, qu'on aille à B, ensuite on aille à C, puis qu'on voit très bien les relations entre A et B, puis entre B et C, puis entre A et C. Alors ça, c'est sûr que là-dessus, il faut faire un petit effort, mais non, c'est tout à fait bien reçu, et c'est... Je pense qu'ils sont très, très réceptifs à ça, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui, justement, au niveau de la rapidité, de l'instantanéité de la chose, leur échappe. Puis ils sont quand même un peu fascinés par ça. Mais il faut y aller doucement. Il faut pas aller en Europe puis pas respecter la tradition, comme il faut pas aller en Californie puis être traditionnaliste trop, parce que ça va pas. Il faut s'habiller dans le vêtement du pays. Moi, j'ai moins de difficultés à m'habiller en traditionaliste qu'en écuménisme californien, mais il faut absolument donc se mettre un peu dans l'énergie de la place. Donc quand on va à un autre endroit, il faut, ça c'est une règle initiatique, il faut s'habiller dans les vêtements du pays où on se trouve. Alors, quand on fait ça, essentiellement, c'est assez facile. Et c'est d'essayer de sentir ce que c'est que ce vêtement-là, et puis de le revêtir tout doucement, et puis il n'y a pas de heure. Alors, ce soir, Mario Gosselin a choisi de nous entretenir de la libération de l'attraction. Est-ce qu'il s'agit de pratiques de lévitation? De quelle attraction il s'agit de se libérer, là? Je ne sais pas, moi. Ben, c'est pas loin de ça. En tout cas, dans la manière dont j'interprète le titre, parce qu'ils m'ont pas donné plus de directives que ça, c'est un sujet très important en attraction. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, je suis allé en Californie 2 semaines, parce que les semaines sont rares, hein, on peut pas se permettre trop de voyages comme ça. Mais, donc, essentiellement, dans le travail que j'essaie de promouvoir depuis un certain nombre d'années, ce qui est fondamental, à mon avis, c'est justement cette libération de l'attraction. Alors là, la libération de l'attraction, ça peut prendre beaucoup de dimensions. Mais toutes ces dimensions, tous ces niveaux que l'on connaît de la libération de l'attraction, ils sont, d'une certaine manière, des adaptations d'une grande libération de l'attraction, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un A majuscule. Cette attraction avec un A majuscule, c'est cette densité, justement, qui nous rattache au sol. Hein? Vous voyez comment, depuis les années 60, il y a des programmes d'investigation spatiale où l'homme rêve d'aller dans l'espace, rêve d'aller au-delà de l'attraction terrestre, rêve d'aller sur d'autres planètes. Pensez à la série d'émissions Star Trek, qui est extraordinaire. Pensez à Cosmos 1999, où justement la Lune se libère de l'attraction terrestre. Bon, il y a comme à l'intérieur de l'homme une pulsion vers cette libération, qui s'exprime évidemment, puisqu'on est dans un siècle matérialiste et exotérique, qui s'exprime le plus souvent, en tout cas dans les journaux, par des navettes spatiales, par le programme Apollo, par des laboratoires dans l'espace. On essaie de, sur le plan extérieur, de vivre cette fameuse libération. Cette libération de la densité. Et l'homme recherche justement cette libération depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'il se souvient. Hein, c'est un Québécois dans l'âme. L'homme se souvient, d'ailleurs, c'est très important sur cette maxime-là au Québec. L'homme se souvient. Il se souvient de son état premier. Il se souvient de l'époque qui est décrite dans les textes bibliques, par exemple, de l'Éden. Là où il était dans un monde plus éthéré, plus invisible. Là où il avait un contact plus intime avec les anges, avec les hiérarchies célestes, avec la divinité. Et qu'il était beaucoup moins pris ou prisonnier de la matière, prisonnier de la douleur de l'enfantement, prisonnier du labeur sur le plan matériel, etc. Alors, il se souvient, bon, plus ou moins intellectuellement, plus ou moins exotériquement, de cette espèce de conscience de l'Éden qu'il avait et qu'il a perdu, notamment lorsque Caïn il a été un peu forcé, de quitter l'Éden et puis de s'en aller dans le monde, loin de l'Éden. Nous avons tous vécu, donc, dans le passé, ce départ de l'Éden. On est tous partis de cet endroit où le lait et le miel étaient en abondance pour s'en aller dans le monde, avec la bénédiction du divin, d'ailleurs, puisque Caïn a été béni et a reçu la protection du divin dans son voyage. Et puis, on est parti très loin. Bon. Et puis, tranquillement, dans ce voyage, on s'est laissé enliser par les choses qu'on voyait, par les objets qu'on voyait, par les nouvelles sensations qu'on avait, puisque notre corps a commencé à percevoir avec un appareil sensoriel qui s'est développé d'ailleurs avec le temps des choses. Et on a commencé à vivre une activité sensorielle tellement grande qu'elle nous a complètement absorbés, de telle sorte que l'homme aujourd'hui est beaucoup plus sensoriel qu'autre chose, il est beaucoup plus grandé sur le plan matériel, si vous me permettez l'expression. Donc, tranquillement, on s'est progressivement complètement laisser baigner dans cette atmosphère jusqu'à ce qu'on devienne très, très, très près du sol et qu'on ressente très, très intensément cette fameuse attraction de la matière. Maintenant, depuis le début sur Terre de l'apparition de ce qu'on appelle les écoles des mystères, eh bien, il y a eu des initiateurs, notamment les Mercuriens, qui sont les spécialistes de cette libération d'attraction, qui ont apporté sur Terre des méthodes pour dire aux hommes, ben, écoutez, là, vous avez fait votre grand voyage, votre grand pèlerinage dans la matière, vous avez appris des choses, vous avez développé toute une conscience cérébrale sensorielle qui est celle de l'homme, donc, incarné. Maintenant, vous devez commencer à repenser et à vous ressouvenir, c'est ce que Platon enseignait à la suite des écoles des mystères grecs, à vous ressouvenir de ces dimensions élevées et puis à vous libérer de cette attraction. Vous allez dire là, que je vous parle de grands principes métaphysiques, mais tous les schémas de libération d'attraction, ils sont relatifs à ce grand schéma. Je vais vous expliquer tout à l'heure un petit peu mieux pourquoi. Donc, les écoles des mystères sont apparues sur la planète, notamment en Grèce, pour nous qui de l'Occident. Ces écoles des mystères ont donné des techniques. Les anciens enseignaient donc la libération, par exemple, Pythagore, par les mathématiques. Arriver à une abstraction. Parce que les gens, à l'époque, ils avaient une difficulté de l'abstraction. Aujourd'hui, parfois, on est trop abstrait. Mais à l'époque, ils avaient une difficulté d'être abstrait, de faire des schémas mathématiques, qui est l'expression de l'abstraction par excellence. Donc, il leur disait, tranquillement, essayez de prendre des sciences qui vont vous libérer, justement, de ce quotidien, de cet extérieur dans lequel vous êtes enlisé. À la suite, Platon enseignait la philosophie comme moyen de libération. Et vous savez que Platon disait qu'après 3 incarnations comme philosophe, et là, il faut entendre ce que c'est philosophe, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme universitaire de philosophie, c'est quelqu'un qui a des préoccupations liées à la sagesse, puisque philo, sophia, c'est l'amour de la sagesse. Alors, soyez philosophe pendant 3 incarnations, disait Platon, et vous serez complètement libéré de l'attraction de la Terre. Vous pourrez aller sur les plans invisibles, vous pourrez faire un travail qui justement vous permettra de vivre en dehors de cette expérience qui est la vôtre actuellement, c'est-à-dire vivre en dehors de la mortalité. Je vais vous expliquer aussi tout à l'heure pourquoi. Donc, je suis allé en Californie, essentiellement, pour faire de l'archéologie. C'est bien adapté. Pour faire de l'archéologie et essayer de voir, puisque au début du siècle, dans l'école que je suis allé visiter, bon, c'est pas la peine de faire un secret, c'est l'Association Rosicrucienne, de Rosicrucian Fellowship, eh bien, autrefois, donc au début, lorsque le fondateur vivait, et plus tard sa femme et sa collaboratrice, ils enseignaient quelque chose d'assez spécial. Il y avait 3 degrés dans cette école, maintenant il n'y en a que 2. Il y avait 3 degrés, étudiant régulier, candidat, et ensuite disciple. Ceux qui recevaient le discipulat, c'était des gens qui avaient été préparés par certaines méthodes, et là, ils recevaient un exercice. Un exercice qui leur permettait de se libérer de l'attraction matérielle. Pas un exercice de dédoublement comme on en retrouve tous les jours dans des bouquins, dans les librairies ésotériques, comme la défunte Nostradamus, hein, mais un exercice qui permettait un clivage des éthers, qui permettait de développer un spaceship, hein, comme ils disent là-bas, un véhicule spatial. Alors, c'était un moyen de... Véritablement, un véhicule spatial en forme d'étoile. Alors, cet exercice clivait le corps vital ou le corps éthérique, faisait créer un véhicule spatial tout à fait semblable à la combinaison spatiale que les astronautes revêtent pour aller dans l'espace, qui permettait à l'individu de quitter l'attraction matérielle, se retrouver donc dans les plans qu'on appelle l'astral, par exemple, sans danger. Pensez à un homme qui déciderait de prendre une fusée spatiale, s'en aller dans l'espace, sans combinaison spatiale. Bon, il va avoir des problèmes, il va manquer d'air. Bon, de la même manière, lorsque on provoque une libération de l'attraction sans créer justement ce véhicule spatial ou sans le détacher du corps physique, eh bien, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ont des problèmes, rencontrent toutes sortes d'entités, toutes sortes d'énergies qu'ils ne peuvent pas assimiler, qu'ils ne peuvent pas contrôler. De la sorte qu'on donnait cet exercice au départ. Alors, je suis allé là parce que, bon, c'est là que vivent toujours des vieux disciples, c'est-à-dire ceux qui ont été reçus disciples du temps de Madame Handel, de Max Handel. Je suis allé les rencontrer, puis je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait, etc., etc. Et puis, il y a 2 points essentiels, puis je me suis dit, voilà, c'est la conférence que je vais donner en venant. 2 points essentiels qui ont ressorti de toutes ces discussions que j'ai eues avec eux. Premier point essentiel, c'était la notion de pureté. Hein? Ils disaient, il faut en arriver à une pureté complète. Parce que le monde du désir, ils appellent le monde du désir, c'est le monde astral, le monde du désir est pollué actuellement. Tellement pollué à cause des guerres, à cause de la drogue, à cause de tous les abus qu'on connaît aujourd'hui, que ce monde-là est rempli d'entités plus ou moins négatives, et c'est très dangereux de s'y projeter si on n'est pas complètement pur. Alors j'ai dit, tiens, Platon. Parce que Platon, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne la catharsis, l'épuration, la purification de soi, la purification des sens pour en arriver à se libérer de l'attraction sensorielle. Alors, la première clé qu'il donnait, ces gens-là, c'était de se libérer de cette attraction sensorielle, d'épurer. Bon, c'est la fameuse ascèse sur laquelle je reviens à chaque conférence. Deuxième point qu'il donnait, c'était, et puis ça, on en a parlé dans une conférence la veille de mon départ qu'on a donné ici à Montréal, c'était ce qu'on pourrait appeler la notion de désintéressement. Service désintéressé. Alors, ils nous ont dit, évidemment, j'ai rencontré des gens qui sont entre 80 et 100 ans. On avait 97 ans. Bon, évidemment, c'est des gens qui ont connu les fondateurs. Bon, essentiellement, ils sont pas très jeunes. Par définition, du plan extérieur, en tout cas. Et, alors, ces gens-là disaient, ce qui est important, vous, les jeunes, parce que, évidemment, petit gars de 23 ans, qui vous envoie demander les secrets de l'initiation, ça paraît louche, hein. Alors, ils disaient, ce qui est important pour vous, les jeunes, c'est de servir. Laissez faire les exercices, toutes ces choses-là, et puis trouver des occasions de faire des actes, de poser des gestes qui soient totalement gratuits. Qu'ils ne demandent pas un retour, ouais. Qui soit un service désintéressé. Alors, il me disait, pas besoin d'avoir une clé, pas besoin d'avoir des méthodes particulières. Arrivez par toutes les occasions qui sont autour de vous, en changeant la roue d'une voiture qui est en panne, n'importe quoi, de faire un geste gratuit qui là, bon, ils l'ont pas expliqué comme ça, mais moi, c'est l'explication que j'en donne, qui là court-circuite la personnalité, qui ramène tout vers elle, qui amène un élément de gratuité, où enfin vous posez un geste tout à fait gratuit, tout à fait libéré de l'attraction de la fameuse causalité sur laquelle on va toujours revenir, tant que je pourrai parler ici. Eh bien, faites ça, puis ensuite, vous pourrez aller plus loin. Alors, c'est les deux constantes que ces personnes qu'on peut considérer, bon, je les considère pas toutes, mais certaines comme étant des sages, comme étant des gens qui ont une expérience, c'est ce que ces personnes-là livraient comme message. Et puis, il y a un homme, justement, le monsieur de 97 ans, qui nous racontait des expériences, qui disait, avec cet exercice, d'ailleurs, lui, il nous a parlé de l'exercice, il était très ouvert, c'était un véritable sage. Il me dit, avec cet exercice, vous allez dans l'espace, comme avec un spaceship, avec un vaisseau spatial, à 50 miles dans les airs. Et puis, on voyait qu'il avait vécu parce qu'il disait, et puis là, ce qui est étonnant, vous voyez tout autour de vous. Hein? Alors, et puis quand on parlait, on voyait qu'il s'était libéré de l'attraction, justement, qu'il en était arrivé à ne plus seulement se vautrer, si on veut, dans cette matérialité, mais à prendre des élans à un niveau supérieur. Eh bien, ça, c'est la première libération de l'attraction. Si on arrive à ça, un jour, à être capable de devenir des extraterrestres, être au-delà de la terrestrité de l'être, hein, et renaître dans un corps glorieux, si on veut, eh bien là, on est arrivé au résultat. Des cosmonautes de l'esprit ou des psychonautes. Oui, et puis c'est pour ça que moi, je ne condamne pas du tout, je trouve ça très intéressant, la recherche spatiale, mais j'aime beaucoup faire le parallèle, justement, avec le côté interne. Parce que la recherche spatiale, c'est encore une attraction. C'est l'attraction d'un monde matériel qu'on pourrait découvrir, d'humanoïdes qu'on pourrait découvrir, etc. Alors qu'il y a tellement plus au niveau intérieur. On a complètement focalisé ce désir ontologique de la libération au niveau spatial, en pensant que si un jour la Terre est pleine de déchets nucléaires, on va aller s'installer ailleurs. Bon, on a tellement focalisé là-dessus qu'on a oublié de focaliser ce désir interne de la recherche de la libération de l'attraction au niveau interne. Et puis réaliser que en soi, il y a un monde. Et que ce monde, ce cosmos-là, il est à découvrir, il est aussi à utiliser, parce que les dimensions intérieures de l'homme, elles sont infinies. Elles sont incommensurablement plus grandes que le cosmos tel qu'on le conçoit sur le plan extérieur. Donc, il y a toute une recherche qui doit être faite à ce niveau-là. C'est pourquoi il y a une espèce de changement de cap, à mon avis, qui doit être fait. Hein? Dans cette quête de libération de l'attraction, il faut que les fils de Caïn, c'est-à-dire les bâtisseurs, ceux qui font la NASA, etc., les fils de Caïn changent de cap à un moment donné. Et puis qu'ils retournent vers leur origine. Qu'ils essaient de réintégrer leur propre intérieur, de se centrer, pour prendre une expression qui vous est un peu plus familière, se centrer sur leur dimension intérieure. Et puis à ce moment-là, il y a tout un autre état de conscience qui est acquis. Et puis ensuite, vous allez me parler libération de l'attraction à tous les autres niveaux. Mais c'est fade, ça. C'est fade parler de libération de l'attraction de l'alcool, hein, ou de sa femme ou de sa belle-mère ou bon, etc. C'est fade ça. Lorsque on ne le met pas en relation avec cette libération vraiment complète, hein. Et puis c'est impossible aussi. C'est ça le problème. C'est qu'en psychologie moderne, on croit que c'est possible de se libérer de l'attraction de ci, de ça. C'est une démarche intégrale. On ne peut pas se libérer d'une toute petite attraction comme ça, par exemple l'attraction de la cigarette, hein, qui est une affreuse attraction. On ne peut pas se libérer complètement de l'attraction de la cigarette sans avoir l'attraction des bonbons, sans avoir l'attraction de ceci ou de cela. Alors la personne dit « je ne peux pas arrêter de fumer, je vais engraisser ». Mais pourquoi si elle arrête pas de fumer, elle va engraisser? C'est parce qu'elle fait un transfert de l'attraction. Mais elle ne contrôle pas l'attraction. Et on ne peut pas contrôler l'attraction si on ne va pas dans une quête intégrale de la chose et qu'on fasse pas un travail aussi puissant, un travail de disciple, un travail de libération intégrale de ce monde-là, d'une prise de distance par rapport à ce monde. Si on n'est pas capable, comme l'enseignait un instructeur au début du siècle, si on n'est pas capable de marcher et puis tranquillement de prendre une distance par rapport à soi, se regarder marcher, se regarder avancer dans la vie et de voir que bon, c'est notre outil qu'on a dans la vie et puis qu'on l'utilise. Si on n'est pas capable de prendre cette distance-là, qui est d'ailleurs un exercice initiatique, on va toujours être des éternels individus qui veulent se libérer de cette petite attraction ici, petite attraction. Et si on y va globalement, c'est pas facile évidemment, c'est le programme de plusieurs. Si on y va globalement, éventuellement, on prend cette distance. Et lorsque cette distance est prise, c'est plus un problème, l'alcool, le tabac, la drogue, toutes ces choses-là sont plus un problème, parce que on n'est plus prisonnier d'elle, on n'est plus soumis à nos sens, c'est nos sens qui sont soumis à nous. Alors, autrement dit, cette recherche de la libération de l'attraction, ça passe par la porte par laquelle l'attraction vient fasciner l'esprit. Et la porte et les portes par lesquelles l'attraction vient fasciner l'esprit, c'est les sens. Donc c'est toujours une histoire de sens. C'est toujours un travail de contrôle progressif et de maîtrise de l'appareil sensoriel de l'homme. Parce que l'appareil sensoriel de l'homme, il est localisé au niveau de l'activité volontaire puis d'analyse au niveau du cerveau. Et le cerveau est l'endroit par lequel l'esprit communique avec les autres plans. On a beau faire une spiritualité désincarnée, hein, mais si on n'a pas de cerveau, essayez ça, prenez le plus grand des spiritualistes qui va vous dire « ça vient pas du corps ou quoi que ce soit, c'est l'esprit qui parle en moi, enlevez-lui le cerveau. » Et puis regardez comment l'esprit va parler en lui. C'est ça qu'on oublie en spiritualité. Donc, le cerveau, c'est fondamental. Ça veut dire que c'est l'appareil émetteur-récepteur, c'est l'appareil de transition de tout ça. Alors, il faut absolument que ce soit là qu'on fasse un travail. Donc, dans l'avenir, le travail de libération d'attraction, il va se faire au niveau biologique, il va se faire au niveau du corps, il va se faire au niveau d'exercice ou au niveau de compréhension des mécanismes sensoriels et cérébraux. Et c'est lorsqu'on va comprendre toute cette mécanique du cerveau, toute cette mécanique de l'appareil sensoriel, que là, progressivement, on va se dire « oui, mais voilà ». Et ceci et cela, on va pouvoir faire des relations, on va pouvoir prendre une distance parce qu'on va connaître son outil. Si on ne connaît pas son outil, évidemment, c'est lui qui mène. Hein, si vous ne connaissez pas votre télévision, vous ne savez pas que vous pouvez changer le poste. Et puis quelqu'un vous l'a mis sur un mauvais poste, ben vous allez l'avoir tout le temps sur le mauvais poste. Eh bien, c'est un peu ça qui s'est produit autrefois, c'est-à-dire que ceux qui ont créé l'appareil de télévision, qui est notre corps, parfois ils l'ont synchronisé drôlement. Ce qu'on appelle la programmation. Donc, on a été programmé originellement par certaines hiérarchies créatrices, mais aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on a un bouton, puis qu'on peut le tourner. Si on apprend qu'on a un bouton, puis qu'on peut le tourner, eh bien là, on a la libération. Une libération qui est complète, et qui fait en sorte que on n'est plus cette personne impuissante devant son appareil de télévision, qui est toujours obligée d'écouter, je sais pas, moi je n'aimerais pas d'émission, ça c'est préférable, hein? mais c'est ça. Alors essentiellement, c'est à ce niveau-là que ça se passe et c'est dangereux de le mettre trop haut, c'est dangereux de le mettre trop bas. Il faut le mettre là où ça se passe, là où il y a le contact entre les deux, là où l'énergie est transférée. Hein? Alors c'est un travail organique, je dirais, la libération de l'attraction. C'est un travail vraiment qui va se faire sur soi par une assaise ou peu importe les moyens que vous prenez. et qui tranquillement va faire en sorte que vous ne serez même plus sensible à certaines attractions qui autrefois vous auraient amené des fausses étoiles, qui vous auraient amené dans des faux Bethléem. Est-ce que je peux me permettre d'argumenter un peu comme ils le feraient en Europe? Mmh. Okay. En Europe, ils vous diraient à quoi ça sert en fait de voyager en astral, d'aller dans le monde de la mort, d'y voir justement ces horreurs du bas astral, lorsqu'on a développé justement la télévision où on voit 20 000 images de mort et d'horreur par année. À quoi ça sert de développer la télépathie lorsque Graham Bell a inventé le téléphone et qu'on peut rejoindre n'importe qui n'importe où? Et à quoi ça sert de léviter à 50 000 dans les airs lorsqu'on a Air Canada? Alors, pourquoi exclure le quotidien? Pourquoi ne pas appliquer ces connaissances-là justement au quotidien plutôt que d'une façon très globale comme ces gens-là? Et puis Bouddha vous dirait, à quoi ça sert de marcher sur les eaux quand on a une chaloupe? C'est la fameuse histoire du disciple qui, ça fait 20 ans, enfin, comme je le dis souvent, à chaque histoire, il y a des années de plus, enfin, 25 ans, qui étudie pour l'éviter, marcher sur les eaux. Et puis là, il voit Bouddha passer, il lui dit, « Maître, regardez, je suis capable, puis il traverse la rivière sur l'eau. » Alors, Bouddha lui demande, « Mais combien ça t'a pris de temps pour avoir cette ascèse? » Et puis, il lui répond, « Ah, à peine 30 ans. Hein? » Et puis, le Bouddha lui dit simplement, « Eh bien, tu es bête. T'as perdu 30 années de ta vie, t'aurais dû prendre la chaloupe. Regarde, il y a une chaloupe juste là. » Bon. Ça, c'est tout à fait juste. Donc, on ne développe pas cette libération intégrale de l'attraction pour faire de l'ésotourisme. Parce que le tourisme, c'est Air Canada. Puis c'est très bon comme service Air Canada. On développe ses capacités pour travailler sur ses plans, pour rééquilibrer les choses sur ces plans, parce qu'il y a des choses à rééquilibrer autant que sur ce plan-ci, et puis pour retourner vers, justement, les origines et la fin, c'est-à-dire l'endroit qui nous attend. Parce que, qu'on le veuille ou non, on retourne vers là. Ça, on peut le croire, on peut ne pas le croire, ça change rien. On retourne vers là. C'est-à-dire qu'on s'en va, tranquillement, on se désincarne, et puis qu'on s'en va sur ces plans-là. Alors évidemment, pour les gens qui sont des retardataires, ça les intéresse pas. Mais ceux qui sont les pionniers, ce sont des gens qui veulent aller mettre des balises dans ce monde pour que plus tard, les gens qui vont faire la transition puissent tranquillement, avec ces balises, se diriger. Comme on a mis des balises ici sur la Terre pour nous diriger. Comme les anciens ont placé des dolmens, etc. en Europe pour aider les gens à se situer. Eh bien, il y en a qui vont justement faire ça sur ces plans-là. Donc, c'est dans ce sens-là, essentiellement, dans le sens d'aller préparer les choses, préparer la Jérusalem céleste, si vous voulez. Vous préparez le chemin qui y mène, mais c'est aussi pour servir. Parce que il y a, et c'est surtout pour servir, et c'est essentiellement pour ça, dans le sens où, par exemple, vous avez un problème de guerre, vous avez des gens qui meurent sur le champ de bataille. Eh bien, Led Peter en a beaucoup parlé, à sa suite, Max Endel a repris cette même thématique. Il y a sur les plans invisibles ce qu'on appelle des aides invisibles. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans la vie de tous les jours, qui durant la nuit, justement parce qu'ils ont acquis une certaine capacité de se libérer de l'attraction, durant la nuit, quittent leur corps physique, se dirigent sur ces plans invisibles et vont aider ces personnes. Alors, il y a des cas très bien authentifiés, et actuellement, bon, il y a des guerres, il y a des troubles partout dans le monde, et chaque nuit, il y a des gens qui partent, quittent leur corps physique et vont aider ces personnes. Et ça va très loin, ça va jusqu'à reconstruire certains tissus au niveau du corps, ça va jusqu'à, ça peut être un appui moral, mais ça va jusqu'à des choses très, très physiologiques, de sorte qu'il y a des cohortes d'aide invisible, c'est-à-dire des entités qui, dans leur véhicule supérieur, consciemment ou inconsciemment, parce que ça se fait aux deux niveaux, vont faire ça. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. Lorsque je vous ai fait des conférences sur le dédoublement, je vous parlais de Marie d'Ajanda, qui est allée baptiser, évangéliser au Nouveau-Mexique des gens, alors qu'elle était dans son couvent en Europe. Je vous ai parlé du diacre Philippe, dont on parle d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, qui est allé baptiser un eunuque, qui était élevé comme ça dans son corps. Saint Paul lui-même est allé dans ses mondes, il dit « Je me suis retrouvé au troisième ciel. » Était-ce dans mon corps ou hors de mon corps? Je ne le sais, Dieu le sait. Hein? Il parlait déjà de cette capacité d'aller donc dans des plans supérieurs, pas pour aller investiguer dans le sens de voir ce qui se passe. Et puis non, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais dans le sens d'apporter une aide, d'apporter un travail, de faire quelque chose, parce que c'est pas normal, vous comprenez bien, de perdre 8 heures sur 24. Et puis quand on commence à sentir les choses, quand on commence à se conscientiser un peu, qu'on voit toute la souffrance dans le monde et toutes les difficultés qu'il y a sur cette terre, on ne peut pas se permettre de perdre 8 heures ou 10 heures ou 12 heures par 24. Donc il faut de plus en plus devenir efficace durant les heures du sommeil et commencer à travailler là. Ou bien en suivant des cours si on a besoin de cours, ou bien en allant assister des gens si on en a la capacité, ou bien en fait, bon, ce type de travaux. Ça, c'est la première raison, disons, pratique, puisque les Français aiment bien les raisons pratiques, pragmatiques de l'affaire. Au-delà du pragmatisme, eh bien, c'est la philosophie. C'est-à-dire d'être capable de, tranquillement, se libérer de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes mortels à cause de cette relation, de cette intime communion avec le plan extérieur. Et lorsqu'on va réussir à se dégager de cette dimension purement exotérique, on va atteindre ce qu'on appelle l'immortalité. On est, parce que je sais que vous aimez beaucoup les citations bibliques, alors on est semé corruptible, on renaît incorruptible. Alors voilà la doctrine paulinienne, et puis c'est la doctrine de la tradition ésotérique. On est semé corruptible, et c'est incroyable. Bernard de Montréal vous dirait c'est une insulte de voir le corps qui se décompose. Hein? C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable de voir le vieillissement et la mort. C'est incroyable. C'est à la limite inadmissible. De voir que la dignité de l'esprit est amenée au tombeau. C'est inacceptable. Et c'est un état transitoire. Et c'est un état qui n'a pas toujours existé, qui n'existera pas toujours. Lorsqu'on sera capable de justement se libérer de cette attraction, on n'aura plus à vivre, si vous voulez, cette insulte de la décomposition. On va être enfin incorruptible. Et c'est cette incorruptibilité que l'on peut rechercher. Et comment on peut l'atteindre? C'est dans l'unité. C'est-à-dire que, bon, c'est ce que les Grecs disaient, lorsque vous êtes unis à quelque chose d'autre, cette union peut cesser à un moment donné. Donc, vous êtes mortel. Si vous êtes divisible, vous êtes mortel. Si vous êtes indivisible, vous êtes immortel. Actuellement, on est divisible. C'est très facile de le voir, vous pouvez vous couper un bras. Un jour, par cette libération de l'attraction, et puis ça commence juste au niveau de la pensée, ça commence, bon, c'est un défi et c'est en même temps un but à atteindre. Hein. Mais lorsque ce but-là commence à pénétrer à l'intérieur de l'individu tranquillement s'abstrait du temps, qui est la dimension sécable, atteint l'éternité, atteint l'immortalité. Elle commence à être un être qui ne vit plus justement sous le registre de cet état de conscience inférieur que l'on connaît actuellement. Donc la libération d'attraction, elle est poussée vers justement cette atteinte d'une nouvelle conscience, d'un nouvel être de l'individu. Alors c'est essentiellement là au fond de la chose le pourquoi de la libération de l'attraction. Et puis si vous voulez, bon, dans les termes qu'on en a parlé aujourd'hui, simplement vous libérez de votre corps pour faire des voyages astrales et tout ça. Hein? Bon, ben ça c'est une perte de temps. C'est une perte de temps magistrale. C'est pas croyable en fait l'inutilité d'une telle chose. Bon, vous allez dans l'astral puis après, hein, vous revenez puis bon. Et puis c'est ça que mes vieux disciples que j'ai rencontrés m'ont dit parce que ils ont peur que les gens, ce soit ça qu'ils recherchent, c'est-à-dire simplement le plaisir d'aller comme ça sur les plans invisibles par curiosité. Le plaisir d'aller sur les plans invisibles par curiosité, écoutez, faites pas une longue assaise pour ça, hein, parce que si c'est pas ça votre but, c'est pas la peine. Hein, faites la vie comme vous voulez, comme vous l'entendez, et puis allez suivre un petit cours à 125$ dans une école ésotérique psychique quelque part là au Québec, et puis on va tout vous donner les techniques. Vous n'avez pas besoin de vous mortifier puis de vous libérer de vos sens, etc. Une petite technique là, avec une petite chandelle puis un cercle noir sur le mur, puis vous êtes correct. Vous allez faire votre voyage astral, puis vous allez faire votre expérience de curiosité. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas en ce sens-là donc qu'il faut parler d'une libération d'attraction. C'est vraiment, vraiment dans un sens très profond pour que vous puissiez être capable de marcher dans le monde et puis de ne pas être atteint par ce monde. Hein, que vous soyez capable d'être le point géométrique, c'est-à-dire celui qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. C'est essentiellement ça le but. Puis c'est pas facile être dans le monde, puis ne pas être du monde. Ça, c'est la libération de l'attraction. Être un point géométrique dans le milieu d'un cercle. Parce qu'un cercle tout seul, ça veut rien dire. C'est indifférencié, c'est un point dans le cercle. Alors là, c'est tout autre chose. C'est le soleil, c'est le symbole astrologique du soleil. Si vous êtes capable d'être le point dans le cercle, ben voilà. Alors le but, c'est ça. C'est de devenir le point dans le cercle. Le point, d'ailleurs, qui permet que le cercle existe, hein, mais qui est à un tout autre niveau. Mais c'est très, on se préoccupe quand même très bien du matériel. Puis ça, c'est la géométrie. Pythagore avait raison. C'est la géométrie qui nous enseigne, puisque avec un point invisible qui a pas de dimension, vous faites une ligne qui a une dimension. Simplement en déplaçant le point ou en mettant une succession infinie. Donc, on peut être hors du monde. C'est ça qui est la grande chose. On peut être hors du monde et constituer ce monde. Comme le point géométrique n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de dimension, mais il constitue toutes les figures géométriques, qui, elles, existent, qui ont des dimensions. Alors, lorsqu'on arrive à se libérer de l'attraction, on n'est plus soumis à la chose, mais on constitue la chose. Alors, on passe du stade de créature au stade de créateur. Mais quand on... une question de néophyte, d'accord. Quand on vit une situation d'urgence dans le monde, comme actuellement, pourquoi donner la préférence à une intervention plutôt sur les plans invisibles, plutôt que dans la matière, justement, par une aide matérielle, un peu, je sais pas moi, comme Mère Teresa, ou par l'éducation, la conscientisation des peuples, etc. Ah, mais c'est sûr. Pourquoi ne pas travailler radicalement au niveau de la matière plutôt qu'au niveau de l'esprit? Maintenant, ce n'est pas une majorité qui travaille au niveau de l'intervention des plans invisibles. Je pense que c'est une infime minorité. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à penser comme ça, puisque même ceux qui autrefois travaillaient de cette manière ont plus l'air de penser que c'est important. De plus en plus, cette quête intérieure des plans invisibles est moins forte qu'elle l'a déjà. C'est simplement parce qu'il me semble que si immortalité doit y avoir, ce n'est pas entre les mains de l'homme. Peut-être il y a une attitude à développer, une ouverture mentale. Mais si ce n'est pas entre nos mains la fin de cette quête, pourquoi ne pas s'appliquer au quotidien justement à travailler sur la matière? Ouais, c'est tout à fait juste. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'un des deux points, le service. Si on est capable d'être efficace sur le plan matériel, c'est déjà quelque chose. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il n'y a pas seulement ça. Parce que moi, bon, encore une fois, je suis scorpion. Hein. J'ai 23 ans, je suis dans le monde. Et puis, il y a une chose qui quand même m'obsède en tant que scorpion. Mon soleil est dans maison 8, pour ceux qui... bon, c'est un peu d'astrologie. Quelque chose qui m'obsède quand même, c'est la mort. Et puis... je me dis, bon d'accord, on peut apporter beaucoup de choses, puis c'est bien, puis il faut agir dans le hic et nunc ici et maintenant, parce qu'il y a des choses qui doivent être changées, mais tôt ou tard, quand même qu'on pense qu'on est immortel, éternel, toujours en place, tôt ou tard on meurt. Hein? Puis là, je vous ferai un speech à la religion californienne, hein? C'est peut-être demain que vous allez mourir, ou en sortant ce soir. Bon. Alors, la préoccupation des plans invisibles, de la dimension future de l'être, de la dimension de conscience future, elle est très, très présente. Puis elle peut devenir très proche de nous. Puis c'est pas quelque chose de lointain. Là, vous parlez un peu comme si vous alliez mourir dans 6000 ans. Hein? Mais peut-être que vous allez mourir tout à l'heure, durant la période des questions, en lisant une des questions, d'une attaque cardiaque. C'est impossible, je viens de recevoir une médaille du pape. Non. Alors, c'est des choses qui peuvent se produire. Hein. Vous vous rendez compte de l'importance, donc, de cette libération de l'attraction. Et puis, tôt ou tard, c'est là qu'il faut arriver. Donc, le but final, évidemment, c'est louable de nourrir les affamés, etc. Et on ne peut pas se passer de ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais tôt ou tard, il faut aussi une préoccupation d'une libération de cet état-là. Sinon, il faut toujours recommencer. Sinon, il faut toujours revenir. Et puis, on se bâtit des châteaux en Espagne. On se bâtit des châteaux en Californie. On se bâtit des châteaux en France. On essaie d'établir des choses. Et puis, on pense que ça, c'est là de manière immuable. Mais il y a une fluidité. Il y a pas de flexibilité. Il y a une fluidité de l'enchaînement de l'évolution. Et puis, les conditions changent toujours. Et il y a une seule chose qui demeure. C'est le fait qu'on retourne, justement, dans ces plans-là. On se libère, qu'on le veuille ou non, de l'attraction. Et c'est parce que on n'a pas voulu se libérer de l'attraction qu'on meurt. Parce que la mort, qu'est-ce que c'est? Hein? La mort, c'est les Martiens, les Saturniens, ben, certaines forces dans le monde qui viennent donner un coup de faux. Hein? Qui viennent lorsque on est devenu tellement pris par l'attraction du plan matériel qu'on s'est cristallisé, durci au point où on est presque plus capable de bouger, là, la mort vient frapper. Hein? La mort vient frapper pas l'innocent. La mort vient frapper celui qui s'est enlisé, celui qui s'est laissé embarquer par l'attraction de ses sens, et ainsi de suite. Lui, il faut quoi? Comme il ne veut pas se libérer de cette attraction, il faut que sur les plans invisibles, on prenne la décision pour lui de le libérer de l'attraction. C'est ça la mort. La mort, c'est une libération de l'attraction forcée de l'extérieur parce que l'individu n'est pas capable lui-même de prendre la décision de le faire. Autrement dit, si l'homme n'apprend pas à mourir chaque jour, tôt ou tard, les forces de l'invisible viennent le tuer. Alors, on en est dans, finalement, si on en arrive là, on en est dans l'obligation de faire ce travail. Sinon, on le fait pour nous, et puis on nous reprécipite là, puis on regarde. Parce que c'est ça qu'ils font en haut. Alors, ils regardent. Ah ben là, il y a un peu d'amélioration, il commence à prendre une certaine distance, etc. Et puis là, il se désole parce que la personne, encore une fois, s'enlise. Alors, ils sont obligés de donner encore un coup de faux. Et puis, la personne renaît, jusqu'à ce qu'elle ait réalisé que les renaissances, c'est une illusion. Que renaître, se réincarner, c'est pas la chose voulue, c'est un moindre mal pour apprendre justement la leçon de la libération de l'attraction. À partir de ce moment-là, la personne ressuscite. C'est-à-dire, elle passe sur un autre plan, puis elle n'a plus à subir cette fameuse expérience de l'incarnation successive. Ça, c'est fondamental. Et c'est pourquoi je me dis, la quête sur le plan extérieur, extraordinaire. Les petites calculatrices, extraordinaires, je les avais pas... moi qui commence à plus savoir compter, ça serait un problème. Bon, tout ça, c'est important, tout ça, ça doit être développé de façon extraordinaire, mais demain soir, est-ce que ma calculatrice me sera encore utile? Alors que si j'ai réussi à prendre une certaine distance, eh bien, je serai en mesure de profiter de certaines expériences sur les plans invisibles et puis de tranquillement quitter ce monde de la souffrance. Parce que sur la Terre, tant qu'il y aura des hommes pris dans l'attraction, il y aura de la souffrance. Alors, ce que vous voulez faire, c'est ce que les médecins, la plupart des médecins aujourd'hui font. Vous traitez le symptôme. Il y a une famine à quelque part en Afrique. Vous essayez pas de savoir pourquoi il y a une famine en Afrique. Parce que les Africains sont dans une attraction quelconque qui fait qu'ils sont comme ça. Il y a des meurtres à San Francisco. Pourquoi il y a des meurtres à San Francisco? Hein? C'est parce que les gens de San Francisco, ils sont dans tel autre type d'attraction. Et puis, ils sont pris dans ce monde de douleur, ce monde de destruction. Du moment que vous pouvez tranquillement enseigner, éduquer, parce que là, je suis tout à fait d'accord avec vous pour l'éducation, éduquer les gens à cette forme de prise de distance, eh bien, c'est le problème, l'origine du problème que vous soignez. Alors, autrement dit, il faut quand même mettre un baume de galate. Lorsque ça saigne, il faut mettre un plaster. Là, ça, je suis tout à fait d'accord. Pour traiter du plan matériel, tout à fait d'accord. Maintenant, lorsqu'on a mis le plaster, que la personne n'est pas en train de mourir au bout de son sang, eh bien là, il faut lui montrer le bon sens. Hein? C'est-à-dire qu'il faut que cette personne-là éventuellement réalise pourquoi je me suis coupé. Hein? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis enlisé dans ceci? Pourquoi je suis enlisé dans cela? Et puis tranquillement, les symptômes vont disparaître parce que la maladie va être soignée. Mais si vous ne faites que penser les symptômes, comme on l'a fait depuis le début des origines de l'humanité, eh bien, on se retrouve avec une humanité qui est tout aussi souffrante qu'elle l'était autrefois. Et cette souffrance, elle est liée à quoi? Elle est liée au processus de libération. Parce que lorsque vous vous libérez de l'attraction, ça tire, ça déchire, c'est une souffrance très, très, très intense qui se fait à tous les niveaux. C'est une mort à petit feu. Hein, c'est le petit feu des alchimistes, vous l'avez là, le petit feu des alchimistes qui tranquillement changent la matière, transmettent la matière. Alors c'est évidemment que c'est pas facile, c'est une overdose de douleur, hein, c'est une accélération du processus de souffrance de l'humanité pour qu'éventuellement on passe à une nouvelle étape. Parce que c'est pas normal que l'homme souffre, c'est pas normal que l'homme soit dans la douleur, c'est pas normal qu'il y ait toutes ces catastrophes qu'on connaît sur le plan extérieur, mais les navettes, encore bien même que vous travailleriez des millions d'années sur le projet des navettes, hein, tôt ou tard, il y en a une qui va sauter. Est-ce que vous voulez, ça va être les méchants Russes qui vont la faire sauter, ou ça va être une difficulté technique qui n'était pas prévue, ou ça va être une usure de telle et telle pièce. Tôt ou tard, elle va sauter la navette. Tôt ou tard, vous allez avoir des problèmes, des gens qui auront des problèmes au niveau de l'alimentation. Vous aurez des gens qui auront des problèmes au niveau du cancer. Vous allez trouver le remède du cancer. Qu'est-ce qui va arriver? Pire encore, un peu plus tard. Hein? Vous allez trouver le remède pour ça. Pire encore, un peu plus tard. Bon, je suis d'accord qu'on fasse la recherche pour guérir les maladies. Et puis on en profite, puis c'est bien. Mais il faut, à mon avis, garder au moins 5 minutes par jour pour apprendre à ne plus en avoir de maladies. Ou pour faire intérieurement le branchement qui réalisera notre état où justement on ne sera plus atteint par la maladie. Et puis là, évidemment, on n'aura plus besoin des médecins. Hein? Platon, ça c'est intéressant chez Platon. Platon disait, plus il y a de médecins, plus il y a de maladies. Il n'y avait pas une très bonne... Ils l'ont dit cette semaine encore à un médecin un peu marginal qui a dit simplement que lorsque les médecins étaient en grève, il y avait moins de malades et moins de morts. Voilà. Voilà. C'était un choc, ça, de faire une déclaration pareille aux États-Unis, officiellement. Ah ben, espérons que la grève dure ça veut dire ça. Que mais l'esprit souffle où il veut, quand même, malgré toutes les circonstances. Non, mais ça, c'est très intéressant. Hein? Ouais. Alors, c'est en ce sens-là que je répondrai à votre question de ce Français hypothétique. C'est un néophyte. Le deuxième, tu parlais, c'était un néophyte. Bon, alors c'est comme ça que je répondrai un peu à ce fameux néophyte. C'est bien la recherche en médecine, mais il faut réaliser à un moment donné qu'il y a un au-delà de ça. Et puis que, je suis assez d'accord avec Platon, plus il y a de médecins, plus il y a de malades. Hein? Plus il y aura de psychologues, plus il y aura de psychopathes. Hein? Plus il y aura de personnes qui s'occuperont des relations matrimoniales, c'est une chose qui vous intéresse beaucoup, plus il y aura de problèmes de couple. C'est pour ça, à chaque fois que vous revenez sur ces questions, parce que ça fait quand même 2 ans quasiment qu'on se voit régulièrement, chaque fois que vous revenez sur ces questions-là, bon, je suis évasif, j'essaie de retourner à l'ontologie, bon, je patauge ici et là, parce que ce ne sont pas des problématiques qui me tiennent tellement à cœur. Parce que, je vous dis, plus on va parler de ça, plus on va mettre de thérapeutes là-dedans, plus il y aura de problèmes. OK, alors parlons donc de l'immortalité, si vous voulez bien. Si immortalité il y a, c'est l'immortalité de quoi? De quel corps? Est-ce que c'est du corps physique? Et si c'est du corps physique, est-ce que c'est pas un frein à l'évolution? Certains prétendent que c'est l'immortalité du corps physique, notamment les raéliens, à l'échelle internationale, qui d'ailleurs enseignent des méditations sensuelles, pour brancher sur le plan matériel. Ça, c'est une façon de voir les choses. La tradition, et ceux qui savent, enseignent le contraire, c'est-à-dire que l'incarnation dans un corps matériel est précisément une imitation. Il est possible d'atteindre une pseudo-immortalité dans le corps physique. Ça, c'est tout à fait juste, dans le sens où on peut vivre des millions d'années. Et puis, selon la méthode que les Raéliens enseignent, par clonage, c'est assez simple à faire quand même. Bon, alors c'est possible pendant un certain temps. Mais vous restez tout à fait dans l'attraction du plan matériel. L'immortalité dont je parle, elle est à un autre niveau. L'immortalité, elle est à 3 niveaux. Ah, ça, c'est un petit peu compliqué, mais enfin. L'immortalité de l'esprit, il y a l'immortalité de l'âme, puis il y a l'immortalité du corps. C'est-à-dire qu'il y a l'immortalité de l'esprit, la conscience, l'étincelle originelle qui est présente à l'intérieur de soi, qui est l'éternité, qui est la parcelle d'éternité en l'homme. Il y a l'immortalité de l'âme comme potentiel énergétique. Et puis, il y a l'immortalité du corps comme quintessence de l'expérience vécue par l'homme au niveau de son corps physique, au niveau de son corps vital, au niveau de son corps astral, au niveau de son corps mental. Lorsque l'homme a achevé ses expériences au niveau de son corps physique, il y a une espèce de force qui est captée de ce corps physique. Et le corps physique est dissous dans le chaos. Ensuite, lorsqu'il a terminé son expérience au niveau du corps éthérique, ça sort aussi. Au niveau du corps astral, c'est extrait. Au niveau du corps mental, c'est extrait. Et cette énergie extraite, qui est un principe d'expérience, un principe d'expérience dans le sens d'une connaissance appliquée, eh bien, ce principe-là est immortalisé avec l'esprit. De telle sorte que ce qui s'immortalise en l'homme, c'est son esprit, c'est son âme potentielle énergétique et c'est son corps expérience appliquée des multiples vies qu'il a vécues. Donc, en ce sens-là, l'immortalité du corps, la résurrection du corps est juste. Hein, dans le sens de cette quintessence de l'expérience qui est conservée. Malheureusement, on a souvent fait l'erreur en ésotérisme de dire qu'il n'y avait que l'esprit qui était immortel. Bon, ça choque ceux qui veulent des classifications très précises, parce que là, ils disent « mais l'âme, elle, puis le corps, lui ». Bon, ben, si on veut être un peu plus précis, tout cela s'immortalise dans le sens où tout cela devient un, tout cela devient unifié, tout cela quitte le monde de la dualité. Autrement dit, l'immortalité, c'est lorsque vous avez quitté le monde de la dualité. C'est lorsque, en vous, il n'y a plus cette opposition, il n'y a plus cette division, il n'y a plus ce 3 contre 4, ce 4 contre 3, mais il y a un état unifié de conscience. Et ça, vous pouvez l'atteindre. Il y a des hommes qui, sur Terre, actuellement, dans leur corps physique, sont immortels. Bon, leur corps physique, le véhicule lui-même, il n'est pas immortel, ils le mettent à la poubelle lorsqu'ils n'ont plus besoin. Mais eux, ils sont dans une conscience immortelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans une conscience de 24 heures, ils sont dans une conscience où il n'y a pas de période de non-conscience. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une période dualitaire où, durant le habituellement, pour la plupart des gens, durant le jour, on est conscient, on voit les choses. Durant la nuit, on n'a pas conscience. Et puis, on vit pendant un certain temps, on a conscience des choses, on meurt. Bon, là, semble-t-il, dans certaines philosophies, en tout cas, on n'a pas conscience des choses. C'est pas normal. L'immortalité, c'est de plus subir cette interception de la conscience. C'est d'être capable d'être conscient sur une ligne continue. Ne plus avoir cette expérience des séquences de conscience. D'être conscient sur un plan continu. Ça, c'est l'immortalité réelle. Parce que c'est l'atteinte d'une certaine forme d'unité de la conscience. Alors, je vous dirais que l'immortalité, c'est une unité de la conscience. Alors, c'est difficile à percevoir dans le sens où on a actuellement une conscience mortelle. On a une conscience des choses qui sont là, ensuite qui ne sont plus. Mais tôt ou tard, on voit qu'il y a au-delà de cette impermanence de la forme, il y a cette permanence de la chose. Il n'y a pas d'autre mot. Ceux qui ont voulu s'exprimer, le mot le plus juste, je pense, c'est la chose. Et par analogie, sur le plan physique, on vit aussi ces états de vie et de mort lorsqu'on est éveillé et lorsqu'on s'endort. Là. Mais c'est toujours pour un sommeil récupérateur, on a à refaire des énergies. Est-ce que la mort ne serait pas un état, justement, où on se réénergise, nécessaire, donc qui serait... vers lequel l'immortalité irait à contre-sens même du sens de la vie. Ah, vous êtes torturé comme... Oui. Oui, c'est intéressant. Je suis ascendant scorpion. Hein. Ah oui. Mais pourquoi a-t-on besoin de cette période de revitalisation? C'est pas normal. La vitalité, comme disent les textes bibliques, je vais encore vous paraphraser ça, on a la vie en abondance. Alors pourquoi on est tout à coup tellement fatigué que là, les paupières nous ferment et puis qu'on baille et puis qu'on s'endort? C'est pas normal, ça! Bien d'accord avec ça. Alors il faut tranquillement être en mesure d'être en constant contact avec l'énergie. Parce que si on a des pannes d'énergie, c'est parce qu'on se débranche. C'est parce que tôt ou tard, on a tellement une attraction sur notre petit moi, sur notre petite tête, sur nos petites choses, que là, on perd le contact avec les pleins d'énergie qui sont ailleurs. Et n'ayant plus ce contact-là, on ne ressent plus la vibration, et puis là, on est obligé, justement, de mourir de la même manière, couper le lien, et puis tranquillement en arriver à le refaire de force, si on veut. Merci beaucoup, Raphaël. Mais moi, j'étais pris de court un peu par Mario qui venait de m'annoncer que le centre d'universalité vous propose...